t'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais enfin, comment voilà un homme qui me téléphone 3 fois de Londres en 24 heures, à qui j'ai juré de l'attendre, et qui trouvera un mot de moi lui expliquant mal pour quelle raison je me dérobe. Enfin, c'est impossible. J'aurais l'air de quoi? Enfin, je ne sais pas, d'une folle. Enfin, je ne sais pas. Puis ce serait gâcher à plaisir le souvenir qu'il a gardé de moi. Peut-être. Oui, tout ça c'est très juste, mais en ce moment, tu ne penses qu'à lui. Je pense à moi, à mon chagrin et à l'opinion qu'il va avoir de moi. Oh, c'est pas la peine d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir brisé ma vie pour en arriver là, fuir quand il revient. J'ai pas voulu rentrer à la maison. Je me suis conduite avec Philippe de la façon la plus indigne. Il m'annonce son retour et je ne serai pas là quand il arrive. Pourquoi? Parce que je te répète que tu es perdue si tu le revois. Perdue. Pourquoi perdue? Est-ce que tu t'imagines que je ne suis pas maîtresse de moi-même? Regarde-moi, je suis très calme. Parce que tu sais qu'il va venir. Mais ce soir, quand tu l'auras revu, quand tu auras de nouveau passé 2 heures dans ses bras, je me demande dans quel état tu seras. Tu m'as fait venir pour te donner un conseil. J'ai quitté le journal en courant, je suis venue, et tout ce que je te dis, tu le prends mal. Je trouve que c'est idiot ce que tu es en train de faire. Ça ne m'émeut pas du tout. Je déplore ton chagrin parce que je t'aime en tant que femme et que je t'admire en tant qu'actrice. Mais ton chagrin en lui-même, je le trouve absolument stupide. Tu as dans ta vie un homme inouï, de gentillesse, de bonté. Philippe? Ben évidemment, Philippe, qui veux-tu que ce soit? Mais il n'est pas tellement bon. C'est un homme adorable. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'adorer, ça veut même dire le contraire, mais c'est un homme adorable. Oh, il dit des choses, quelquefois. Parce qu'il a de l'esprit. Ne t'occupe pas de ce qu'il dit, vois plutôt ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour te rendre heureuse. C'est pas ça qui fait le bonheur. Non, mais ce qui fait le bonheur ne nous rend pas forcément heureux. Oh, si je te racontais ma nuit... Je t'en dispense. Tu peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que tu es en train de jouer 20 ans de ta vie contre 3 heures. Incomparable! Alors, puisqu'elles sont incomparables, pourquoi veux-tu les comparer, hein? Pourquoi veux-tu les revivre? Tu ne les as pas bien vécues la nuit dernière? Ah, ça oui! Alors, pourquoi veux-tu recommencer? Crois-tu vraiment que de 5 à 8, elles vont être supérieures aux 3 premières? Sûrement pas. Or, souviens-toi que les premières, Philippe te les pardonnait. C'est pour celles qui vont venir qu'il a été impitoyable. À juste titre, conviens-en. Mais c'est qu'il ne me les pardonnait pas, chérie, les 3 premières. Il t'avait pas demandé de rentrer chez lui? Mais pour quelle raison? À cause du scandale qu'il voudrait éviter, il ne pense qu'à ça. Ouh, quelle injustice. Oh, je le connais mieux que toi, va. Pourquoi veux-tu qu'il me pardonne? Il n'a même pas de chagrin. Philippe, il est comme ces hommes d'affaires qui, même en cas de faillite, s'y retrouvent toujours. Tiens, je crois bien que s'il avait eu vraiment du chagrin, je serais rentrée. Mais rentrer dans ces conditions pour que dans 3 semaines, il me dise de partir brusquement, non. Oh, j'aime mieux revoir l'autre, même si ça n'est que pendant 2 minutes. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, tu peux pas savoir ce que c'est que la bouche de cet homme-là. Alors, pour un baiser, tu vas... Ah, oui. C'est incroyable. Pour un plaisir bien compromis d'avance, puisqu'il s'en va ce soir, tu renonces au dernier espoir qui te reste. Il ne m'en reste aucun. Tu es dans l'erreur. Mais c'est toi qui t'illusionnes au sujet de Philippe. Il ne peut pas rester plus de 24 heures avec une femme qu'il n'aime plus. Il est fidèle à ce prix. On change, tu sais. Pourquoi veux-tu qu'il change et qu'il s'attache à une femme alors qu'il n'a qu'un geste à faire pour en avoir 10 autres? 10, oui. Mais une. Il aura toutes celles qu'il voudront. Mais il se demande peut-être s'il aura celle qu'il voudra. Il est bien trop sûr de lui pour se demander ça. Si une femme lui disait non, pourtant. Avec la situation qu'il a, elle aurait bien tort. Alors sois logique, pourquoi n'essayes-tu pas de le reprendre et de le garder pour toi? Parce que c'est bien fini. Le reprendre, moi. Alors que pendant 6 ans de vie commune, il n'a même pas eu l'idée de m'épouser. Qu'est-ce que tu en sais? Comment est-ce que j'en sais? Oh, ben tu en as de drôle, toi. Il me semble que s'il en avait seulement l'intention, j'en aurais été la première informée. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? À quoi? À cette idée qu'il n'a même pas eu de me demander de m'épouser. Je n'ai rien à répondre à cela. Tu vois bien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que tu sois rudement bête pour ne pas rentrer chez toi. Tu voudrais que je dise folle? Mais je dis bête exprès parce que c'est bête ce que tu fais là. Mais oui, c'est bête. Je le sais aussi bien que toi. Puisque depuis 2 heures, ça fait 20 fois que je mets et que je retire mon chapeau. Tu m'as dit de lui écrire? 3 fois j'ai recommencé cette lettre. 3 fois je me suis dit je ne le reverrai pas. Et 100 fois j'ai couru à la fenêtre pour voir s'il arrivait. Puis je t'ai appelé comme on appelle au secours. Mais conseille-moi, Claudine! C'est-à-dire conseille-moi de l'attendre. Allez, vas-y, j'obéirai. Jurer? Jurer. Bon. Tu vas aller te promener pendant 2 heures et tu vas me laisser le recevoir. Quoi? Tu as peur? Pour qui? Pour toi? Pour moi? Pour lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? que je me donne à lui. Et alors? Ou il me prend, ou il me laisse. S'il me laisse, je suis ridicule. Et s'il me prend, j'avais eu raison de te conseiller comme je l'ai fait. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ah. Ne fais pas ces yeux-là. Tu me gênes. Adieu, Grisette. Je plaisantais. Fais ce que tu veux, je ne m'emmène plus. Ne t'en vas pas. Si, si, ça vaut mieux, parce que je sens que ça va se gâter. Tu m'exaspères et moi, je t'horripile. Non, non, non, non, non. Viens, viens, viens là et reste. Est-ce que tu crois vraiment que Philippe me reprendrait? Si tu ne revois pas l'autre, j'en suis sûre. Mais si tu le revois, alors là, c'est fini. Ah oui. Mais si je le revois, sans rien faire? C'est la même chose. Ah non? Ah si? Ah non? Ah non, pas pour moi. Ah ben si, pour Philippe, c'est la même chose. Tandis que si je lui dis que tu n'as pas voulu le revoir, c'est comme un sacrifice que tu t'es imposé. Hein? Tu le comprends bien du reste. Allez. Bon. Alors c'est décidé, je ne le reverrai pas. Je vais lui écrire. Encore? Oh oui, mais alors une lettre très simple, hein? Très, très simple. Allô? C'est lui, il est en bas? Allô, priez ce monsieur d'attendre. Oh, et puis non, non, non, qu'il monte, s'il vous plaît. Merci. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Écoute, maintenant, il faut qu'il y en ait une ou deux qui s'en aillent. Oui. Mets ton chapeau. Oh. Je peux pas. Paulette, écoute-moi bien. Je vais trahir un secret. Hier, ici, à 5 heures, en attendant ton amoureux, nous avons eu, Philippe et moi, une longue conversation à ton sujet. Et à ce moment-là, il m'a posé la question suivante. Est-ce que si j'épousais Paulette, ça lui ferait plaisir? C'est pas vrai? Je te le jure sur ma vie, mets ton chapeau. À tout à l'heure à la maison. Non. Oh. Viens dîner. Entendu, va vite. Hé, hey, pense à Philippe. Et toi, pense à moi. Bonjour, cher monsieur. Oh, bonjour, mademoiselle. Paulette m'a prié de l'excuser auprès de vous. Elle est sortie? Non, elle n'est pas sortie, elle est rentrée chez elle. Rentrée chez elle? Et quand je dis qu'elle m'a prié de l'excuser, je dis un peu n'importe quoi, car il ne s'agit pas pour elle d'être excusée par vous, mais comprise. Si Paulette vous revoit, sa vie est brisée à jamais. Et c'est moi qui lui conseillais formellement de vous fuir et de rentrer chez elle. Rien ne m'obligeait à vous le dire et j'aurais pu me contenter de vous faire une commission de sa part, mais j'ai préféré vous dire la vérité, car il faut que vous sachiez que s'il n'avait pas été là, elle ne serait certainement pas partie. Vous connaissez trop les femmes. Pour ne pas avoir compris tout de suite le caractère de Paulette, c'est une romantique. C'est ce qui fait d'ailleurs son charme et la moitié de son succès. Elle perd la tête. Ce qui ne serait pas autrement grave, en somme, si elle n'en souffrait pas. Or, elle en souffre. Ou elle le croit, ce qui revient au même. Paulette n'a pas le sens des réalités. Et vous n'êtes pas ainsi. Oh, moi, voyez-vous, je... Pardon. Oh non, moi, je l'ai, ce sens. Et même un peu trop développé. La musique m'échappe, je ne rêve jamais. Je ne me fais pas non plus d'illusions et... Si un homme comme vous me faisait la cour, ou bien je lui dirais oui, ou bien je lui dirais non. Mais pas peut-être. Et si je lui disais oui, cela voudrait dire tout de suite. Ah. Oui, parfaitement, tout de suite ou jamais. Et pas de lendemain. Ah non, non, surtout pas de revanche. Jamais deux fois avec le même. Quand il est comme vous, non. Et qu'est-ce que ça veut dire, comme moi? Oh, ce n'est pas une injure, soyez tranquille. Dites-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire mieux que moi. Je ne suis pas mieux que vous. Oui, en effet, mais vous, vous êtes un homme et je connais les femmes. Si vous croyez qu'on peut garder un homme comme vous... Oh, je suis bien plus loyal que vous ne pensez. Oui, mais elles, elles le sont bien moins qu'elles ne le croient. Si vous vous imaginez que moi, je vous laisserai seule avec une amie à moi... Faut qu'une femme soit folle pour faire ça. Mais le danger n'est pas si grand, mon Dieu. Et puis, on ne prend tout de même pas un homme de force. Oui. Eh bien, je vous conseille de ne pas dire ça à une femme. C'est plus prudent. Je crois que vous vous faites plus noir que vous n'êtes. Oh, je n'ai pourtant rien à envier de ce côté-là. Et vous ne me direz pas, voyons, qu'une femme comme vous... Oh, ne me parlez pas de moi, vous serez bien gentil. Je vous parlais de moi. Eh ben, n'en parlons pas non plus. C'est préférable. Nous n'allons parler ni de vous, ni de moi. Nous allons en rester là. Est-ce que je vous ai froissé? Oh non, non, non. Si, si, certainement, j'ai dû vous blesser. Et à cause de mon mauvais français, je vous ai peut-être outragé, malgré moi. Mais non, mais si, non. Si, si. J'ai fait comme une supposition que vous seriez capable. Mais non, pas du tout. Laissez-moi, s'il vous plaît. C'est fini. Mon Dieu, mon Dieu. Vous, si gentil, justement, pour Paulette. Oh, mais pas plus qu'il ne le faut, croyez-le bien. Écoutez, laissez-moi, s'il vous plaît. Je veux bien vous laisser, mais je ne veux pas que nous soyons fâchés. Donnez-moi votre main. Puisque je vous demande de ne pas insister. Et je voudrais vous baiser la main. Pourquoi ne veux-tu pas qu'il te baise la main? Mais je ne l'en empêche pas. Je m'en allais. Je vois. J'aurais voulu rentrer plus tôt, j'ai pas pu. Entre 5 et 7, on ne peut pas circuler dans Paris. Vous partez aujourd'hui? Dans une heure. J'en suis désolée. Est-ce que vous retraverserez Paris en revenant de Vienne? Je ne pense pas. On me conseille de m'embarquer à Brindisi. C'est une bonne idée. Vous allez faire un beau voyage. Je vous envie. Adieu, monsieur. Adieu, madame. Je pense que tu descends avec lui. Oui, si tu préfères. Oui. Bon. Adieu. Adieu. Claudine, je préfère encore que tu restes là. Bon. Il a essayé de t'embrasser. Non, et là. J'ai bien vu. Tu n'as rien vu du tout. J'ai bien vu qu'il te tenait les mains. Non, il ne me tenait pas les mains, il a essayé de me baiser la main. Et pourquoi ne le voulais-tu pas? Tu me le reproches? Ah oui, parce que c'est bizarre. Il est normal qu'un homme veuille baiser la main d'une femme, mais pour qu'elle se refuse, il faut qu'il y ait une raison. Bon, comme nous n'en sortirons pas, je vais te dire la vérité. Il a absolument voulu savoir pourquoi tu ne l'avais pas attendu. Je lui ai dit que c'était moi qui t'avais conseillé formellement de rentrer chez toi. Alors il a eu un mouvement de colère qui m'a souverainement déplu. Je me suis levée pour partir. Comprenant alors qu'il avait été grossier, il a voulu s'en excuser et il a essayé de me baiser la main. Voilà ce que tu as vu. Libre à toi de me croire ou de ne pas me croire. Adieu, Paulette. Oh, ne t'en va pas! J'ai du chagrin. Et toi, tu n'es pas au bout de tes peines parce qu'il faut que tu ailles voir Philippe tout de suite. Bon. Ben oui, il faut que tu lui dises que je n'ai pas revu Karl, car je ne l'ai pas revu, n'est-ce pas? Tu lui raconteras exactement ce qui s'est passé. Exactement? Oui, hein? Tu lui diras que sur tes conseils, je suis partie quand il est arrivé et que je vous ai laissés seuls tous les deux. Est-ce la vérité? Oui, c'est la vérité. Est-ce qu'il faut que je lui dise aussi que tu es revenue 10 minutes plus tard? Non, ça, c'est pas la peine. Bon, alors en somme, si je comprends bien, il faut que je lui dise exactement la moitié de la vérité. C'est ça. Entendu. Puisque tu me dis qu'il y a une lueur d'espoir. Ce n'est pas la peine de la laisser s'éteindre, en effet. Car tu es sûre, n'est-ce pas, qu'il y a une lueur d'espoir? Oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce matin, en partant, Philippe m'a dit de te dire qu'il te ferait porter ici toutes tes affaires avant le déjeuner. Oh! Il est déjà 6 heures. Entrez. À l'hôtel. Si, si, tout de suite, c'est très grave et j'ai très peur. Elle a avalé tout un tube de comprimés. Je ne sais pas, c'est une chose allemande. Par une lettre d'elle que l'on m'a remise à mon réveil. Oui, oui, je l'ai fait appeler tout de suite. Non, j'ai préféré faire venir le mien, de tout premier ordre. Oui, et je vous réponds de sa discrétion. Me voici qui arrive. Je raccroche, venez vite. Bonjour, docteur, c'est par là. Merci, posez-les là, on s'en occupera tout à l'heure. C'est pour les fleurs. Oui, je vais les mettre moi-même. Comment va cette dame? Oh, le docteur est près d'elle. Le café n'a rien fait? Pas grand-chose. Et dire qu'on lui envoie des fleurs. Déjà. Comme on est peu de choses, mon Dieu. Oh, faut que je note ça. Oh. Entrez, monsieur. C'est bien. On ne sait pas encore. En tout cas, elle n'est pas morte. C'est déjà quelque chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme disait ma pauvre maman. Comment? Comme disait ma pauvre maman. Ah oui. Elle est sauvée. Qu'est-ce qu'il était en train de vous dire? Que dans 2 ou 3 heures, elle serait complètement réveillée. Oh, je me suis trop alarmée, mais il y avait de quoi, je vous jure. C'est effrayant, quelqu'un qu'on ne peut pas réveiller. Oui, oui. Vous ne le croyez pas? Si, si. Vous souriez? Oh, nerveusement, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mon air un peu déçu. Oh, taisez-vous. Il s'en est fallu bien peu, vous savez. Oui, mais c'est justement ce peu qui change tout et qui vous fait passer du drame à la bouffonnerie. Vous trouvez ça bouffon? Elle a tout de même voulu se tuer. Mais oui. Mais voyez, comme elle a peu de volonté. Elle a voulu se tuer, mais elle n'est pas morte. C'est ça qui change tout. Remercions le ciel qu'elle se soit ratée. Mais comme elle s'est ratée, ça a fatalement un côté manqué qui me frappe. Car j'ai l'heureuse facilité de pouvoir toujours m'imaginer que ce qui m'arrive arrive à une autre personne qu'à moi-même. Alors, il y a 5 minutes, nous étions en plein cauchemar. Maintenant, elle rêve. Elle était une empoisonnée, et ce n'est plus qu'une emmerdeuse. Oh. Je ne vois vraiment pas d'autre mot. Pardon, croyez-moi bien. C'est l'emmerdeuse qui dérange tout le monde et qui voudrait que la Terre s'arrête de tourner parce qu'elle est dans le pétrin. Vous voyez, je vois les choses comme elles sont, ce qui ne m'empêche pas de la plaindre et d'être désolé pour elle. Pauvre petite. Ah oui, c'est une pauvre petite, en effet. Oui. Si elle ne vous avait pas. Oui, oh, mais elle ne m'a pas tant que ça. C'est justement pour ça que c'est une pauvre petite. Vous êtes venu tout de même. Ne me le faites pas regretter. Et notez bien que je ne suis pas venu voir si elle était vivante. Oh! Non, je ne vous oblige pas à prendre au sérieux tout ce que je dis. Ne m'obligez pas à prendre au sérieux tout ce qu'elle ne fait pas. Et permettez-moi d'adorer ce personnage d'Henri Monnier qui disait, en parlant de sa femme, « Si elle venait à mourir, je serais peut-être le premier à la regretter. » Est-ce que vous croyez qu'elle pourra jouer ce soir? Mais oui! Pourquoi voulez-vous qu'elle ne puisse pas jouer la comédie ce soir? Alors qu'elle la joue déjà ce matin. Mon Philippe! Ah, quoi? Vous voyez bien qu'elle n'attend même pas d'être réveillée pour commencer la représentation. Il y a des gens qui mentent comme ils parlent, elle joue la comédie comme elle respire. Ainsi, depuis 6 ans qu'elle m'est fidèle, elle joue le rôle d'une femme fidèle. Comédie ou non, elle vous a été fidèle. Et oui, parce qu'elle joue très bien, qu'elle s'est laissée prendre son propre jeu. Maintenant, elle joue une autre pièce, celle d'une femme infidèle qui se tue et qui se rate. Et à ce propos, il faudra tout de même avertir le gymnase discrètement, afin qu'elle soit doublée désormais, n'est-ce pas? Et quant à vous, savez-vous ce que vous feriez si vous étiez gentille? Vous me feriez donner un café au lait, car je crève de faim. Je vais même aller plus loin, je vais en commander 2, car moi non plus, je n'ai rien pris à mon réveil. Ah! Encore une petite malheureuse. Allô? 2 cafés au lait complet, je vous prie, le plus vite possible. Avec des confitures. Avec des confitures et du miel. Alors, savez-vous exactement ce qui s'est passé? Oh, oui et non. C'est-à-dire que, n'étant pas rentrée chez elle, enfin chez vous, ne vous ayant pas obéi, peut-être a-t-elle pensé que cet homme allait lui proposer de partir avec lui. Or, il n'en a rien été. Ah. Il est parti seul et pour toujours. Et comme c'est à ce moment même que ces mâles renvoyés par vous sont arrivés ici, imaginez dans quel état d'esprit elle pouvait être. Elle s'est trouvée seule tout d'un coup. Et quand une femme est seule, elle se voit seule au monde. Et le peu de tête qui lui restait encore, elle l'a perdue. Quel ravage un être peut causer par la seule force de sa séduction. Vous en rendez compte à présent? Oui, très bien. Et encore, vous n'avez pas eu l'occasion de causer seul à seul avec lui? Si, justement. Ah oui? Hier. Tiens, oui. Vous ne savez pas, ici, longtemps? 10 minutes, peut-être. Et vous avez été séduite? Séduite, enfin. Je reconnais qu'il est charmant, mais pas au point d'en mourir. Et d'ailleurs, en vérité, ce n'est pas pour lui qu'elle a voulu mourir. Bah, vous n'allez pas me dire que c'était pour moi. Si, mais j'en ai la preuve. La preuve de quoi? Que vous partagiez son cœur à la minute où elle a voulu se tuer. Dans mon affolement, j'oubliais de vous la donner. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de Paulette pour vous. Une lettre? Oui, quand je suis entrée tout à l'heure dans la chambre, il y avait 2 enveloppes bien en évidence sur la table de nuit. Une adressée à vous et l'autre à lui. Ah, donnez. Ah, je ne sais pas si j'ai le droit. Bah, puisqu'elle m'est adressée. Oui, pour qu'elle vous soit remise après sa mort. Or, elle n'est pas morte. Elle s'est tuée quand même. Si j'étais entrée avant vous dans sa chambre, je l'aurais prise. Ah oui, c'est bon. Vrai. Alors. Mais je vais m'asseoir parce que je ne tiens pas à tomber à la renverse. À la renverse? Oui. Vous m'avez donné sa lettre. Mais non, Karl. Oui, et moi, Philippe. Oui, c'est bien mon enveloppe à moi. Mais j'ai sa lettre à lui. Elle s'est trompée de lettre. Ou d'enveloppe. Oh! Mais qu'est-ce que... Ça peut arriver à tout le monde. Et maintenant, je voudrais bien lire la mienne. Ah non. Comment non? Ah non, vous n'avez pas le droit d'ouvrir sa lettre à lui. Mais mon enfant, je l'ai sa lettre. La voici. Vous voyez bien ici qu'elle s'adresse à lui. Donc, c'est sa lettre. Bon, et maintenant, c'est la mienne que je demande. La discrétion, je l'ai commise sans le vouloir. Je veux bien que vous lui envoyiez sa lettre, mais je ne veux pas qu'il lise la mienne. Ben oui, c'est vrai. Ah, bon. Je vais pouvoir les comparer. Alors ça, c'est horrible. Ah, il faut s'instruire. Elle lui a dit à lui, Karl, je vais mourir en prononçant ton nom. À moi, elle me dit, Philippe, je vais mourir en prononçant ton nom. Ah, ben, elle manque un peu d'imagination. Lui, il a un verre de 11 pieds, moi j'en ai un de 13. Ah ben, ça fait une moyenne. Ah, allons avouer, Claudine, que la vie est parfois très bien organisée. Hein? Quand on a le courage de la regarder en face, convenez qu'elle porte à rire. Ceux qui la prennent trop au sérieux n'en sont pas dignes, à mon avis, car ils la dénaturent. Est-ce qu'ils ne sont pas délicieux, ces 2 verres faux, aussi faux l'un que l'autre? Entrez. Ah. Bien. Puisque monsieur et madame déjeunent, c'est que ça va mieux à côté. Oui, oui, ça va beaucoup mieux. Oh, quel bonheur, ça m'aurait fait de la peine, c'est vrai, c'est une si gentille dame, et puis si aimante. Et Dieu sait si j'en ai vu, moi qui suis dans les hôtels depuis 30 ans. Mais une amoureuse comme celle-là, ça j'en ai pas vu souvent. Il est vrai qu'entre nous, il en valait la peine. Ah, oui. Oh, quel joli homme. Et puis quel corps. Oui. Moi qui vous parle. Je l'ai vu tout nu l'autre matin. Ah. Il avait besoin d'un peignoir. Il m'a sonné, je suis venue. Il était au milieu de sa chambre, comme le père Adam. Comme le père Adam? Comme le père Adam. Ah, pardon. Et puis nature, comme ça, pas gêné, souriant. Ah, celui-là, vraiment, on peut dire qu'il n'est pas fier. Ah, non. Oh, j'en connais une aussi. Qui m'a l'air bien amoureuse de son mari. Ah. Les amoureux ont une façon de se sourire qui ne trompe pas les vieux sages comme moi. À tout à l'heure. Oh, vous partez déjà? Oh, mais j'en viens. Ah, vous venez aussi, d'accord. Ah. donner un peu de lait. Ils ont bien le miel, que vous verrez, on va pas en faire une histoire. Voilà. Elle n'est pas bête, cette bonne femme-là. Hein? Elle devine bien. Ah, grave. Oh, elle est super. C'est gentil de faire la dinette comme ça, tous les deux. Ah, beaux yeux qui me coupaient l'appétit. Tellement je vous dévore. Ah non, non, j'ai eu peur qu'elle se soit déjà réveillée. Dans le fond, depuis 30 ans, je me prive peut-être stupidement d'un plaisir délicieux. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que, en ce moment, je m'imagine que je suis marié, que ma femme dort dans la chambre voisine, et que je suis en train de dire à ma maîtresse combien elle est jolie. C'est pas tellement désagréable. Vous y venez tout de même. Ah oui, enfin, il est évident que si vous y veniez avec moi... Ah, à ce propos, dites donc, nous ne nous sommes pas revus, merci. Depuis mon geste malheureux d'hier. Oh, n'en parlons pas. Ah, pourquoi? Tout de même que je vous en demande pardon. Non, c'est à moi de le faire. Le geste inattendu, c'est vous qui l'avez fait, mais le geste malheureux, c'est moi qui l'ai eu. Ah, vous avez été... Mon extrême surprise en a été la cause, et je voudrais ne pas l'avoir fait puisque vous le redoutiez. Vous avez été la première. J'en suis navrée. Est-ce que j'étais allée trop vite ou bien un peu trop loin? Vous êtes allée loin, peut-être un peu trop vite. Ah. Elle appelle. Elle s'est réveillée? Oui, un instant, pour me demander qui était là. Elle a dit deux mots et elle s'est rendormie. Et ces deux mots, c'était? Que Philippe me pardonne. Et qu'il m'épouse, non? Non, elle n'a pas été jusque-là. Pour m'en laisser probablement l'initiative. Probablement. Oui, ben, ne plaisantez surtout pas avec ça. Et qu'elle ne sache jamais que j'ai pu même envisager un instant l'idée de l'épouser. Ah, c'est que malheureusement, je lui en ai touché deux mots hier. Oh non. Mais si. Oh, pourquoi avez-vous fait ça? L'autre allait arriver. Je voulais l'empêcher de le revoir et je ne savais plus que faire. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de le lui dire. Oh, quelle mauvaise idée vous avez eue là. Ça va faciliter les choses, ça encore. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Votre situation est la même. Mais pas le moins du monde. Comme vous lui avez dit que j'étais là, une autre gaffe d'ailleurs. En ce moment, dans son demi-sommeil, elle se voit non seulement pardonnée, mais absoute, presque bénie, et déjà mariée, soyez-en convaincus. Je vois bien que l'idée de ce mariage vous agace plutôt. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela tient, je pense, à ce que vous ne vous demandez même pas si ce ne serait pas la meilleure solution. Vous plaisantez en ce moment, non? Oh, pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'état moral où elle se trouve, si vous recommencez à vous séparer, vous n'en finirez plus. Tous les deux jours, elle reprendra des comprimés de n'importe quoi, le scandale se renouvellera constamment, et vous allez passer pour un tortionnaire. Oui, oui. Et comme elle s'est ratée en voulant se tuer, elle est capable de se tuer en voulant se rater. Parfaitement, tandis qu'en l'épousant... Oui, je me prépare une sortie légale. Je n'osais pas le dire. Oh, ne prenez pas cet air navré. Il y a 5 minutes, cela vous amusait d'imaginer que vous étiez mariés. Moi? Pendant que nous déjeunions tous les deux, vous me l'avez dit. Parce que vous étiez assise en face de moi. Alors venez vous asseoir en face de moi. Philippe, vous avez toujours raison. Hein, pourquoi dites-vous ça? Parce que vous aviez raison quand vous me disiez que ce garçon était irrésistible. Vous avez peut-être eu tort de trop le dire autour de vous, mais vous voyez bien que vous ne vous étiez pas trompé. Mais pourquoi me dites-vous cela de cette façon-là? Qu'est-ce que vous faites en ce moment, vous? À quoi jouez-vous? On dirait que vous en faites une question personnelle. Est-ce que vous ne seriez pas devenue amoureuse, vous aussi, de cet homme? Non, mais presque. Et vous me le dites? Ah, c'est superbe. Oui, je vous le dis et je tenais à vous le dire. Toujours pour excuser Paulette? Non, parce qu'elle s'en est rendue compte. Et comme elle vous en parlera sûrement, je préfère vous l'avoir dit d'abord. Mais comment a-t-elle pu s'en rendre compte? Elle est entrée au moment où il me tenait les poignets. Ah! Eh oui! Ah, mais elle est entrée trop tôt ou bien trop tard? Elle est entrée à temps pour moi, mais un peu trop tard pour elle. Bien, c'est du joli. Alors maintenant, je comprends tout, évidemment. Et vous avez dû dire sans doute que vous lui prouviez ainsi la frivolité de cet homme. Voilà. Oh, elles sont magnifiques. Elles se chipent leurs amants, elles se jalousent, elles se détestent. Mais les voilà vite devenues des alliés quand il s'agit de se payer la tête d'un homme. Et tout ce qu'elles ont fait de mal, comme elles savent bien, en plus, le lui mettre sur le dos. Oh, ne soyez pas injuste, il est vraiment normal que nous nous défendions. Non, je l'attendais, ce mot-là. Ah oui, elles se défendent. Elles ne pensent qu'à se défendre. Dès qu'on leur dit qu'elles sont jolies, une aventure pour elles, c'est une lutte qui commence. À qui sera le vainqueur? Oh, les petites garces. Ah, c'est inouï. Ah, vous ne valez pas mieux les unes que les autres, tenez. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine d'en changer. Au contraire, ça ne vaut pas la peine de s'attacher à l'une d'entre vous, n'importe laquelle, pourvu qu'elle vous plaise. C'est à devenir un homme normal. Tenez, c'est à se marier. En effet, je ne sais pas ce qui me retient d'épouser Paulette pour vous prouver à tout mon mépris. Regardez-moi là, celle-là, qui s'amuse comme une folle. Écoutez-moi bien. Si jamais je devais épouser Paulette, ce serait une condition. Et cette condition, ce serait vous. Moi? Oui. Si je me mariais, ce serait pour avoir une maîtresse, comme tout le monde. Et cette maîtresse, ce serait vous. Et puis, ce serait à prendre ou à laisser. Si j'épousais Paulette un jour, est-ce que vous seriez à 5 heures ce jour-là, devant l'entrée du parc de Saint-Cloud? Journaliste avant tout. Vous serez trop curieuse pour manquer ça. C'est juré? Juré. Alors donne-moi ta bouche, toi-même. Vous ne mettez pas votre main comme ça? Ah, oh, ça m'étonnerait. Ah, eh bien, ça va mieux. Toi aussi, je vois. Oui. Ah, et tu te demandes pourquoi Claudine m'embrassait? Je vais te le dire. Elle m'embrassait parce que je viens de lui annoncer que ton mariage avec moi aurait lieu dans 8 jours. Oui, et tu peux l'embrasser à ton tour, je te jure qu'elle ne l'a pas volé. D'abord, il faut qu'on s'embrasse tous ici. Ah, oui. Une bourrasque. Oui. J'ai l'impression d'avoir été folle pendant 2 jours. D'ailleurs, j'ai été folle. Et toi, tu as été merveilleux, merveilleux. Tu m'as sauvé la vie, c'est bien ça? Non. Ah, mais si. Mais pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi t'ai-je trompé? Écoute, ne me le demande pas. Tu veux bien? Cesse de me poser ce genre de questions. Évite de te les poser à toi-même et ne reviens pas tout le temps sur ce sujet. Mais je n'y reviens que parce que je n'en reviens pas, tu comprends? C'est ça. Eh bien, n'y pense plus. C'est ça, on va plus y penser. Voilà. On va plus penser qu'à son mari. Son admirable mari qui aurait été dans toute cette histoire. Oui, non, non, ne me félicite pas non plus. Bah quoi, je peux pas te remercier? Mais non. Non, quand tu parles de moi, n'en dis pas trop de bien aux autres non plus, parce que ça fait mauvais effet. Oh, Philippe! Oui, non, mais crois-moi. Comment as-tu dormi? Souvent. Moi, j'ai passé la nuit à me réveiller. Ah oui, et moi à me rendormir, moi, tu vois. En somme, on s'est relayés. Hein. Nous avons dormi toute la nuit à nous deux. Mais c'est horrible de ne pas dormir. Oui, mais tu sais, il ne faut pas s'en inquiéter, parce que il paraît que c'est le rêve que nous faisons le plus souvent. Nous rêvons que nous ne dormons pas. Quand on voit passer les heures. Oui, mais on peut très bien rêver qu'on voit passer les heures. Ah ben, ne laissons pas passer celle de notre mariage. C'est ça, mais nous avons encore 30 minutes, tu sais. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Ah! Le menu. Merci. Ah, très bien. 12 couverts, n'est-ce pas? Oui, 12 couverts. Pas un de plus, surtout. Qui as-tu mis à ma droite? Bien, prends Albert, puisqu'il est mon témoin. Puis moi, je prends Claudine, puisqu'elle est ton témoin. Voilà. Et vraiment, tu ne l'as dit à personne? Non, à personne. Je l'ai simplement dit à tous par téléphone que le déjeuner qui devait avoir lieu à la maison pour ta fête aurait lieu ici, et puis il y aurait une surprise, c'est tout. Oui, entrez. Ah! Bonjour! Oh. Oh. Vive la mariée! Bonjour, Philippe! Bonjour! Comment trouves-tu marrant? Oh, elle est adorable. Et moi, j'adore la tienne. Regarde la mienne. C'est ravissant. Eh bien, quand vous verrez le veston que je me suis fait faire, alors qu'est-ce que vous direz? Tu ferais mieux d'aller le mettre au lieu d'en parler, tu sais. Nous avons 30 minutes encore. Oh, ce qu'elle est donc pressée de m'épouser, celle-là. À tout de suite, mesdames. Ah, à tout de suite. Hop là. Alors, tout va bien? On ne peut mieux. Ah, quelle aventure. Elle est complète puisqu'elle finit par un mariage. Oui, bien sûr. N'empêche que quand tu te marieras, car j'espère que bientôt tu suivras mon exemple, je souhaite que tu épouses un homme avec lequel tu n'auras pas vécu ouvertement. Pourquoi? Pour pouvoir te marier en blanc. Oh mon Dieu, voilà qui me serait bien égal. Oh, moi ça me navre. C'était mon rêve étant petite. Depuis ma première communion, j'y pense. Je me voyais au bras d'un beau jeune homme descendre les marches de l'église avec dehors plein de monde et un landau rempli de fleurs. De ces fleurs qui ont l'air de gratter aux vitres, tu sais. Enfin! Tu as l'air de dire, ce sera pour une autre fois. Oh non. Non, je ne le pense pas, c'est fini maintenant. Qu'est-ce qui est fini? Oh, bien des choses. Tiens, je ne prendrai plus jamais Philippe. Ça, j'en suis sûre. Non, jamais. Ça va être ta façon d'être fidèle à l'autre. Un peu. Mais je me considérerais comme la dernière des femmes si je n'étais pas décidée à respecter le nom d'un homme qui vient de me donner un témoignage d'amour réellement inouï. Car enfin, s'il m'épouse, c'est par amour. Seulement voilà, il ne s'en rend pas compte. Et alors, ce qui est vraiment drôle, c'est que, comme il l'ignore, il s'imagine qu'il pourrait me tromper. Je l'en défie. C'est pour ça que, l'autre jour, quand je t'ai surprise l'embrassant, j'ai eu très peur pendant une seconde. Peur? Oui, pour toi. Je ne me suis pas dit, ah, ça, est-ce qu'elle va essayer aussi de me prendre celui-là? Non, je me suis dit, oh, mon Dieu, la pauvre petite. Pourvu qu'elle n'aille pas se monter la tête. Inutilement. Tu comprends? Ah, ça, pourquoi me dis-tu que j'ai essayé de te prendre l'eau? Oh, mais je plaisantais. C'est fini, c'est fini. On n'en parle plus. Et c'est déjà si loin tout ça, mon Dieu, si tu savais. Attention, attention. Vous êtes prêtes? Oh, oh! Qu'il est grand! Il y a un effort vestimentaire sur lequel je suis en droit de compter. En effet, malheureusement, mon plaisir est gâté par un détail. Est-ce que je puis demander à l'une de vous, mesdames, de bien vouloir me défaire le nœud de mon soulier? Je n'en sors pas. Demande ce service à Claudine. Moi, je vais mettre mon chapeau. Est-ce que je peux vraiment vous demander ce service, Claudine? Mais oui. Quelle aimable personne vous êtes. Je t'aime. Je t'aime et je te préviens que tu seras à ma droite à déjeuner. Tâche de manger proprement, n'est-ce pas? Après le déjeuner, je te dirai un de ces jours, ma petite Claudine. Et 20 minutes plus tard, tu passeras me chercher au journal, et allez, hop! Jamais on n'aura vu un homme renoncer à ce point à tous ses principes, à toutes ses idées. On est dans la danse, dansons, pas! Et quelle quadrille! Enfin, il faut que jeunesse se passe, hein, tôt ou tard. Du côté d'Amiens, nous n'avons aucune réaction désagréable. Aucune. Alors, Amiens est rayé de la carte. Bon, je descends 2 minutes pour voir comment s'organise le repas de noces, et puis pour approcher un petit peu ton couvert du mien, je veux que pendant tout le déjeuner, ta jambe soit contre la mienne de là jusque-là. Jusqu'où? Jusque-là. Ça me sera agréable. Très. Je t'aime. À tout à l'heure. Je descends, je remonte. Hein. Et le chapeau, comment le trouves-tu? Elle a mou. Et les renards? Oh! Oh, ils sont magnifiques. Et le cadeau de Philippe? Ils sont superbes. Il n'y en a qu'huit. Mais regarde comme ils sont travaillés, hein, c'est incroyable. Tu es contente d'être mon témoin? Très. Est-ce que je te l'aurais demandé si j'étais pas sûre de toi? Mais si j'avais épousé l'autre, je crois bien que je te l'aurais pas demandé. Oh, tu recommences, mais pourquoi me taquines-tu avec ça? Est-ce qu'il t'a embrassé? Oh, oh, tu peux bien me le dire maintenant puisque c'est fini. Et tu vois comme c'est curieux la vie, hein? Je m'en fiche à un point que tu ne soupçonne pas. Tu as bien raison, d'ailleurs. Il t'a embrassé plus d'une fois? Non. Une seule fois? Pas une seule fois. Dis-le-moi en face. Pas une seule fois. Là. Je te crois. Car nous ne pouvons pas nous mentir entre nous. Tu as des nouvelles de l'autre? Non. Enfin, je devrais dire oui. Pendant 5 jours, j'ai eu des dépêches. Enfin, je devrais dire une dépêche. Parce longue. Que c'était toujours la même. Longue? Non, au contraire. Un mot? Non, Rien. L'adresse. Et pas un mot? Non, pas un seul. Qu'est-ce que ça fait comme impression? C'est très troublant. C'est net ou c'est très vague? Ça ne dit rien ou ça répond à tout? Tout dépend de l'état dans lequel on est quand on la reçoit. Et c'est pas mal à cause de ça. J'en ai reçu 3 le premier jour, 2 le deuxième, puis une. Et depuis 3 jours, aucune. Je pense qu'il a dû s'embarquer à Brindisi jeudi matin pour l'Amérique. Tu veux venir avec moi tout de suite à Hollywood? Tu veux? Oh! Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Tu viens? Tu penses? Alors, je vous conseille de partir très, très vite. Oh. Et par là. Oh, oh, viens, viens. Oui. Viens. Tu lui diras. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais je le lui dirai. Et le gymnase. Mais heureusement que je suis doublée. Adieu. Et merci. Qu'est-ce qui fait claquer les portes comme ça? Des brûlettes. Ah bon? Pourquoi, vous êtes brouillées toutes les deux? Non, seulement elle est allée très très vite dans sa chambre. Voilà qu'elle veut changer de robe maintenant. Allons, bon. Oui. J'ai eu la bêtise de lui dire qu'elle l'avantageait un peu, alors naturellement elle s'est imaginée qu'elle la grossissait. Ah. C'est qu'il faut se surveiller avec elle, d'autant plus qu'elle est sur le qui-vive à mon égard, je vous en avertis. Depuis quand ce nouveau sale vous en a parlé? Elle y a fait une petite allusion, oui. Mais de quel droit? Oh, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Ah, oh, non. Moi, je veux bien essayer de vivre comme nous allons le faire, mais alors, il faut qu'elle m'aide un peu. Chut, ne parlez pas si fort, prenez garde. Ah, oh, non, ça m'ennuie beaucoup, ce que vous venez de me dire là. L'allusion était directe? Ah, si, oui. Mais pourquoi, voyons? Oh, non, non, ça, c'est trop injuste, alors. Vraiment? Je paie assez cher le droit d'être un peu libre, il faut qu'elle le comprenne. Et je vais lui dire. Non, non, attendez un peu. Non, je veux dire pas aujourd'hui. Hein, attendez 2 jours, vous vous mariez dans 20 minutes. Oui, elle n'est pas prête d'ailleurs. Oh, ça commence bien. Paulette, dépêche-toi, je te prie. Oh. La petite Claudine. Tout d'un coup, j'ai très peur. D'elle? Non, pas d'elle. De moi, pour elle. Je veux la paix. Oh, mais vous allez la voir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Oh, mais non! Elles ne vont pas rentrer dans l'ordre. Il faut justement qu'elles entrent dans un ordre nouveau. Mais elle s'y fera, petit à petit. Petit à petit, petit à petit, mais non! Il faut qu'elles s'y fassent tout de suite. Et je te préviens que j'ai l'intention de passer une grande partie de ma nuit de noces avec toi. Oh, le jour de votre mariage. Ah. Écoutez, chérie, c'est excessif. Non, ce qu'il faut en effet, c'est s'organiser. Il faut que nous puissions nous voir au moins tous les 2 jours. Mais tous les jours? Et quelquefois 2 fois par jour. Et 3 repas par semaine au moins. Écoutez, mon chéri, avec une femme comme elle, voyons. Mais c'est le divorce dans 3 mois. Eh bien, ça sera le divorce. Alors, ce n'est pas la peine de l'épouser. Ah, ben ça, à qui le dis-tu? Oh. Si je laissais passer l'heure sans rien dire. Hein? Ah, c'est une idée. Non, mais bah, avoue que ce serait très drôle, non? Paulette! Je t'aime. J'ai une surprise pour toi. Surprise? Qu'est-ce que c'est? Bah, ça ne sera plus une surprise, alors. Non, non, ça va être une surprise tout de suite. Dis, qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des animaux morts. Oui, de pauvres petites bêtes, dont il reste tout juste la peau. Des petites bêtes, tu sais, avec le nez pointé, petites oreilles comme ça. Ce sont des renards! Oui, ce sont des renards! Comment sont-ils? Ils sont tristes. Oui, ils sont tristes parce qu'ils sont morts. Mais dans le fond, tu sais, ils ne sont pas tellement à plaindre, car entre nous, je les crois très argentés. Combien sont-ils? J'ai eu seulement le temps de compter leurs pattes, j'en ai compté 48. Alors ils sont 12? À 12. 12? Mais ne le lui dis pas. Hein. Je sais qu'elle n'en a que 8. Non, oui, mais elle, je l'épouse. Ah, si elle voulait changer de manteau et que je puisse changer de femme. Tu m'épouserais? Tu sais qu'on rate la mairie, sérieusement. Hein. Allons-y tous les deux. Oh, ne plaisante pas avec ça. C'est méchant. Est-ce que tu crois qu'il nous marierait? Je ne sais pas. Peut-être. Et pourquoi me demandes-tu ça? Ce n'est pas vrai. Il est donc revenu? Oui, et elle l'a suivi. Oh! Le charmant garçon. Tu viens qu'on essaie de se marier tous les deux? Avec joie. Oh. Non, ça m'ennuiera à cause du repas de noces. Tu seras en face de moi, je n'aurai pas ta jambe contre la mienne. Mais alors, il est donc écrit que je ne pourrai jamais rester 24 heures sans avoir une femme à moi. C'est terrible. Terrible? Mais oui, terrible. Je ne pourrai donc jamais avoir les femmes des autres. Mesdames et messieurs, que nous avons eu l'honneur et la joie de vous présenter est de Monsieur Sacha Guitry. J'ajouterai qu'elle a été décorée par Monsieur Roger Hart. Que nous avons joué dans des costumes de M. Donald Cadwell. Et je terminerai en précisant que nous avons été mis en scène par M. René Clermont. Avec, mesdames et messieurs, Francis Deschamps, Régis Lande, Nicole Chollet, Alain Pralon, Geneviève Fontanelle, Claudine Coster, et Jacques Thérèse. Thank you.